À cause justement des fouilles qui avaient posé problème. Alors nous sommes en train de travailler sur les différents modes opératoires, mais qui permettra dans ce site qui est remarquable, vous voyez cette identité boulonnaise, de pouvoir avoir un stade effectivement en U qui paraît être la. Mais en dur, pas en tubulaire. Qui sera en dur et qui s'inspirera des nouveaux modes de construction dans les stades récents. Donc ça veut dire un stade à combien de capacité? Alors, nous allons regarder en fonction et au fur et à mesure. Mais comme nous travaillons avec le club main dans la main, je pense que c'est vraiment une information qu'il faut que nous présentions ensemble. Les bureaux d'études ont été choisis, les équipes y travaillent. Nous assurons priorité, nous sommes vraiment très concentrés sur le cahier des charges. Rappelons que nous sommes promus et qu'il y a quelques saisons, nous étions bien loin de penser à cette soirée populaire féerique sportive. Et les années d'avant, c'était l'inverse. Justement, il y a une dizaine d'années, Boulogne était au sommet du football français, il y avait des promesses de votre part dans cette région. Oui, vous avez vu comment les choses changent vite. Alors ce qu'il faut, c'est le faire. Il faut travailler, s'adapter. À intervenir vite, la priorité des priorités, c'est d'offrir ces moments magiques, festifs, historiques pour le club, parce qu'il y a une vraie cohésion qui est une cohésion entre la population, la ville, les acteurs économiques et bien sûr l'équipe de l'USBCO. Tout ça, ça ne s'improvise pas. Ces résultats, c'est vraiment une ambiance d'une ville sportive, d'une ville de foot et d'une ville avec des véritables valeurs populaires. Ce projet donc de stade, à partir de quand vous pourriez commencer à l'annoncer, à partir de quand on pourrait voir la fin des travaux? Parce que Calais a un stade, Dunkerque a un stade et Boulogne attend toujours. Nous ne sommes pas d'équipe d'ailleurs. L'important d'avoir un stade, c'est bien aussi... Dunkerque est en Ligue 2. Oui, je ne parle pas de Dunkerque, vous avez bien compris. Bon, pas bon, la question elle n'est pas là. La question c'est de pouvoir répondre aux enjeux. D'abord, l'homologation, parce que s'il n'y a pas d'homologation, vous pourrez vous tourner vers moi et dire là, il y a une responsabilité qui est collective et individuelle. Nous faisons tout pour avoir cette homologation et nous sommes en passe de l'avoir. Et nous le faisions même lorsque nous étions très loin de l'accession. Nous étions même en relégation. Mais nous avons fait des travaux comme une impulsion à donner et un pari sur l'avenir. Nous avons eu raison. Il faut encore faut bien avoir conscience que si nous ne pouvons pas faire une pelouse en deux mois, en intersaison, et donc si nous ne l'avions pas eu, il fallait aller jouer ailleurs. Vous avez bien travaillé, on voit Boulogne donc désormais ici. Juste une dernière question peut-être sur le pronostic ce soir. Pour quel match vous vous attendez? Le pronostic, c'est la montée, je le souhaite. Nous l'espérons. Et donc nous regarderons ce qui se passe aussi du côté du Mans. Mais j'espère que nous allons plier tout ça ce soir, dès ce soir. J'espère pouvoir donc de bientôt de bonnes nouvelles pour ce stade. Merci beaucoup Frédéric Cuvillier, le maire de Boulogne-sur-Mer, avec donc peut-être donc des projets à venir ici du côté de la Libération, ce fameux stade au cœur de ville, et des projets donc à venir dont on va parler en tout cas de cette ambiance avec Steven des Boulogne Fans qui nous a rejoint. Bonsoir Steven. Bonsoir. Comment ça va? Comment s'est passé le cortège? Racontez-nous cette ambiance qui monte, une ambiance qu'on n'avait pas vue depuis longtemps à Boulogne. On est vraiment sur un petit nuage. On touche près du rêve. Alors qu'il y a deux ans, on était proche de descendre en N3 et on revient vraiment de loin. Et on ne peut que remercier le staff en place depuis deux ans et qui fait un travail monstre. Vous voyez d'ailleurs dans l'ambiance, dans la demande peut-être d'adhésion à votre groupe de supporters, ça a augmenté ces dernières semaines, ces derniers mois? Par rapport à la saison dernière, oui, on a une augmentation. Et je pense qu'avec la possible montée, même en restant national, on va remonter loin. Parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont fières de supporter l'USBCO, et c'est ce qu'il faut en fait. Justement, quand vous avez fait cette fan wall, qu'est-ce que vous avez vu? Des nouveaux visages, des nouvelles têtes, ou c'était plutôt des supporters de longue date qui avaient arrêté de venir à cause des mauvais résultats sur...